C'était en juillet 1947. Je passais, en compagnie de ma grand-mère, les vacances scolaires dans un petit village Sévenol, chez la sœur de celle-ci, qui nous accueillait, comme chaque année, à la même époque. La fin de la guerre n'était pas très loin, et la nourriture restait une denrée rare, après laquelle courait tout citadin qui se respectait. Mes parents, commerçants dans la bonne ville de Montpellier, décidèrent de prendre des congés afin de venir en Cévennes essayer d'améliorer leur ordinaire. Ils possédaient une superbe Celta 4 à roues à rayons et dont le ronronnement du moteur n'a jamais pu être égalé à ce jour. Le conducteur de cet engin devait faire des efforts considérables pour ne pas s'assoupir à l'audition de la mélodie parfaitement cadencée. Le lendemain de leur arrivée à Gagnères, c'est le nom du village en question, mes parents prirent le parti de mettre le cap sur Villefort à la quête des indispensables nourritures terrestres. Dès l'aube, ils entassèrent valises et frugal pique-nique dans le coffre du véhicule et nous voilà partis tous les trois. J'avais d'ailleurs dû capricher très fort pour être du voyage, leur intention première étant de me laisser sous la garde de ma chère aïeule. La première journée se déroula sans incident notoire, mis à part le scandale que fit ma mère chez la boulangère d'un lieu-dit qui lui refusait une miche de pain aussi jaune que le riz peut être blanc. Le soir, après avoir avalé une sorte d'eau de vaisselle pompeusement dénommée veloutée de courge sur le menu, nous dormîmes à l'hôtel, ce qui pour moi constituait une première. Ce n'est certes pas la lourdeur de nos estomacs qui pouvait gêner un sommeil qui fut à la fois profond et réparateur. Le jour suivant, mes géniteurs décidèrent de se rendre à Florac, autre bourgade de Lozère, dont les routes d'accès, en ces temps de disette, laissaient fortement à désirer. Mon père, à la fois victime d'une hypoglycémie, effet secondaire du repas de la veille, et du ronronnement du moteur, s'endormit au volant et fila droit en direction du ravin. Ma mère se mit à hurler, moi de même, gagné par l'effroi de l'instant vécu. Puis je fermai les yeux dans un réflexe d'autoprotection. Lorsque je les rouvris, j'eus la surprise d'apercevoir une jeune fille, toute de blanc vêtue, et qui, les mains posées sur le capot, paraissait avoir stoppé la voiture. La roue de l'avant-droit de cette dernière tournoyait dans le vide, et c'est avec d'infinies précautions que mes parents et moi-même, nous nous extirpâmes du véhicule en équilibre. Mon père, reprenant ses esprits, remercia notre salvatrice, réconforta ma mère, s'enquit de mon état et fit ensuite le tour de la Celta pour essayer d'en évaluer les dégâts. La jeune fille nous indiqua ensuite l'adresse du garagiste le plus proche, qui s'avérait être son père, nous pria de l'excuser de ne pouvoir nous accompagner et s'éclipsa comme un lutin dans la forêt qui bordait la nationale du côté opposé au précipice. C'est donc à pied que nous parcourûmes les quelques 3 kilomètres qui nous séparaient du mécanicien. Le garage était situé sur la droite de la route, juste à l'entrée d'un petit village bâti tout en longueur. Une odeur de graisse et d'essence accueillit notre entrée dans une sorte de hangar, au fond duquel, vêtu d'un bœuf de travail traditionnel, s'affairait un personnage qui tentait vainement de débloquer les écrous d'une roue piteusement dégonflée. Mon père l'ayant appelé, le personnage en question releva la tête, s'essuya les mains sur l'avant de son pantalon et vint à notre rencontre. En entendant le récit de l'accident, évité grâce à l'intervention de la jeune fille, le mécanicien devint pâle et incapable de prononcer une seule parole. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais il me semblait qu'une chose extraordinaire était en train de se dérouler. Lorsqu'il put enfin s'exprimer, l'homme en question demanda à mon père de décrire plus précisément encore la jeune fille qui nous avait sauvés. Plus les détails affluaient, plus des larmes silencieuses s'écoulaient le long des joues de celui qui écoutait parler mon père. À la fin, l'homme nous invita à entrer dans l'appartement qui lui servait de bureau et nous montra une photo jaunie sur laquelle nous reconnûmes sans aucun doute la jeune fille providentielle. Il nous indiqua ensuite que sa fille, car c'était elle, s'était tuée dans un accident qui avait eu lieu bien des années auparavant, à l'endroit même où nous avions failli avoir le nôtre. Nous partîmes en sa compagnie en direction de notre voiture et nous la retrouvâmes au fond du ravin.